Cette affaire, sors maintenant. Tu lâches ta vie, tu ne toucheras plus jamais à sa vie. Sors. Quitte-la. Quitte-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis, vomis-moi tout ça. Vomis tout ça. Sors maintenant. Sors. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Tu as raté, tu as battu cette ténèbre. Son corps est restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est puissant. Sors! Tant que les substances ne sortent pas de votre système, je ne vous laisse pas aujourd'hui. Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Vomis tout! Vomis tout! Au nom de Jésus! Amen! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Vomis tout! Au nom de Jésus! Lâche-la! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tes entrailles s'ouvrent, madame, que ça s'ouvre maintenant! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Quel que soit le nom qu'on nomme, que ce soit fibrociste, j'ordonne la destruction au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Quel que soit ce qui est dans ton sang, que ce soit le sida, le VIH, quel n'importe quel type, le nom de Jésus-Christ est puissant. Le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ordonne ta destruction. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Comme il tout. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sors! Vomis tout! Tout! Vous n'habiterez plus dans l'œuvre. C'est terminé! Sors! Vomis tout! Quitte tes entrailles! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans votre système, toute puissance satanique qui est exercée dans votre système, sortez tout de ce système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quitte son baba maintenant, toi. Et donc, quitte son baba. Sors. Maintenant, oh mon Dieu, miséricorde de Dieu, c'est une grâce de Dieu pour que sa puissance vienne et te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de toi, avance. Tiens-toi ici. Oui. Mets la main. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance dans vos vies, qui est une puissance contraire à l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande, sors! Sors! Amen. Sors! Amen. Sors! Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance d'infertilité, toute puissance qui dominait vos vies dans quelque domaine que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de quitter la vie de ce peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie que tu touches tes enfants, ceux qui se trouvent au Canada, ceux qui se trouvent en Allemagne, pour tous ceux-là, non, qui nous écoutent maintenant. Mettez tout simplement vos mains, je vous le dis au nom de Jésus-Christ, sa puissance est disponible. Mettez juste vos mains sur votre ventre, tout simplement. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa provenance, la grâce est disponible pour briser son origine maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Sors de ce système. Tout poison de nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Guide son corps. Amen. Guide son corps. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Vomissez tout. Toi, esprit des ténèbres,

Quelque chose. Vous achetez les habits, il y a les panthères dessus des habits. Le dragon, ça a influencé ce garçon-ci. Ce que vous voyez là maintenant. Donc, ce qui est en train de mousser dans son cœur là maintenant, c'est. Vous savez ce qu'on appelle la rage. Si quelqu'un se fâche, s'il prend n'importe quel bâton, il te fait du mal avant de tu de mon et ceci, ça vient de. Ouais, allez, mon main. Allez, mon main. Tu vas aller mon flan, lève la main. Pardon, ça chauffe! Nazareth! Ok! Observez, je vais vous observer cela. Nom de Jésus Christ Nazareth! Ouais. Au nom de Jésus Christ Nazareth! C'est juste ce qu'il dit. Au nom de Jésus Christ Nazareth! Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai un problème avec toi maintenant? Terrible. Ouais, ok! C'est terrible. Laisse ta tête là comme ça! Ouais! Oh! Ouais, ouais, ouais. Je pardon, j'ai déjà compris, je ne suis plus là. Mets dedans. Mets la main sur lui. Ouais. Il ne peut pas travailler tout ça seulement. Mets seulement la main comme ça, d'accord? Mets seulement la main. Ouais, ouais, c'est bon, je sais. Ouais. Lève la main, lève la main. Ouais. Quand son camarade de classe a dit que. Il faut que ce soit quelque part en premier, n'est-ce pas? Parce que je suis même là. Ouais! Oh! Je n'ai pas là. Oh. C'est fort ce soir, c'est la lâche la doucement. C'est pas encore fini. Continue. Elle comme ça pour prendre ses consentements sur elle. Au nom de Jésus-Christ, allez, c'est terminé. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth, lâche la main. Doucement. Lâche la main, elle va s'allonger. Quand elle va tousser une fois, tu vas la mettre seulement comme ça. Bon, maintenant, un de toi maintenant et toi, on fait comment? Tu veux que tu sois tranquille. Dis-lui quand elle va tousser une fois, ramène-la comme ça. Sinon, ça va l'étouffer. Maintenant, ça va, elle va seulement tousser, mais c'est le reste qui va sortir. C'est terminé. Terminé. Vieille dame, qu'est-ce qu'on fait? On te laisse encore là-dedans pour un peu de temps. Tu ne laisses pas

besoin de quelqu'un qui a cette présence, quelqu'un qui a cette présence. Il y a une personne qui se prend de voix. Il y a une garçon qui se prend de voix. Il ne doit pas quitter cette présence. Dieu a dit la nation Dieu. Avant qu'il ne chante pas là-bas. Pourquoi c'est dans le cœur de l'enfant pour s'abonner ce soir? Oui, pour cet enfant, vous voyez. Merci. Vous savez pourquoi ça me fait comme ça, hein? Un jour, le temps de le prêcher, en réalité, tu vas à l'étage comme ça chez quelqu'un. La porte, on entrait plutôt comme ça, et on allait devant pour justement dans le tour de la porte, était comme ça. Le temps de le prêcher comme ça, les gens étaient ici. Alors, on avait prié ce site de prière, il y a une fille qui est entrée comme ça. Elle a traversé le mur, qu'elle a traversé, bon, si on l'a enveloppé, elle avait s'asseoir dehors, derrière le mur comme ça. Ce qui fait que de ce côté, on ne pouvait pas la voir. Mais d'abord, le balcon n'était pas protégé. On était au 4e niveau. À l'époque, j'étais ici. Le Saint-Esprit a dit, faites-la entrer, parce que l'Esprit qui était en elle voulait la pousser, la jeter là-bas. Vous voyez ce qui peut arriver. Alors, là, ce que vous avez fait n'importe quoi, on va dire homicide involontaire. Oh, okay. Devant le tribunal, là, les esprits ne se manifestent pas. Mm-hmm. Ils laissent compter très bien. Parce que les âmes là-bas, pour que ça te donne la leçon que tu ne pries pour le nom de Jésus. À l'instant où on j'ai dit, attraper celle qui est dehors là-bas, elle était sur le point de sauter. On a amené à l'intérieur, j'ai entendu, je suis Lucifer. J'ai dit, c'est même toi qui cherchais même de plus. Attends la main. Il faut qu'on reste sous cette influence, il faut rester sous cette influence. Donc, je n'ai pas besoin de vous toucher. Je n'ai pas besoin de parler de votre cœur, parce que c'est lui qui est l'esprit. C'est lui qui est l'esprit. Pendant qu'on a eu de prier ici, il y a des gens qui ont prêté seulement. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il y a des esprits qui sortent doucement comme ça, poum, ils partent doucement. Donc cela ne veut pas qu'on le menace. Alors quand dit au nom de Jésus, vous remarquez que vous avez réussi à vous expliquer que je peux vous comprendre ce qui vous arrive. Et vous faites poum, vous voyez que vous êtes à l'aise, à l'instant, vous êtes à l'aise. Ce n'est pas n'importe quel style de poum. Ce n'est pas le style de poum que vous faites souvent normalement. Ceci, c'est un poum de délivrance. D'autres personnes, c'est pour ça que d'autres personnes, vous allez sortir, sinon vous allez comprendre. Pas les urines, pas les autres, vous allez sentir d'autres choses. D'autres, c'est dans la nuit que vous allez voir la chose qui s'est passée ici. Et dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, ne pensez pas comme vous avez dit, il ne vous a pas touché ça, parce que je n'ai pas vu votre cas. Il vous a dit que je ne suis absolument rien. C'est lui qui doit conduire la chose. D'accord. Vous avez pas été ici pendant que je suis dans le verset, c'est pas vrai. Amen. Donc, c'est lui, il faut que c'est lui qui fasse quelque chose. Il faut que ce soit lui qui fasse quelque chose. Et s'il a fait quelque chose pour quelqu'un, reste-moi tranquille, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde suffit pour moi. Ta grâce et ta miséricorde suffit pour moi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu vas, mon cher? Tu es à l'aise? Je suis à l'aise. Ton corps tremble dedans. Lève-toi, tu salues tous tes frères. Tu dis, mon frère, je viens de loin, n'achète plus la vie avec le tigre. Le tigre comme ça. Oui. Le dragon, ne faites pas ces choses-là. Ouais, quelqu'un porte c'est l'amour, on porte la tête de mort, on mange comme ça pour qu'on sache la tête de mort. Non, dis juste que je n'arrête pas. T'as la main là-bas. Non, pas de commentaire. Dites seulement que je sors de là. Depuis là, le pasteur a fui parce qu'il ne voulait pas qu'il ait la voilà. Il sait quand on aborde, mais comment c'est ce qui se passe. Non, dis juste que je n'arrête. Il voit que la connexion est partie. Non, dis juste que je n'arrête. Non, mais je suis tout de Nazareth. Non, mais je suis tout de Nazareth. Est-ce que tu l'as dit même quand tu viens de loin? Quand j'ai vu ces choses cette nuit, j'ai écrit ma femme, comme ma femme elle a pas fait ça. J'ai écrit, il a dit que chérie, j'ai vu un songe là terrible. Elle a dit, raconte-moi, il dit que tu es abattu à l'église et pas fait ça. C'est ceux du doigt qui vont expérimenter ceci. Parce que Dieu m'a montré la nuit ce qui s'est passé ici. J'ai dit waouh, parce que j'étais couché là. J'ai vu quand j'ai vu ces choses, je vous ai vu positionner. J'ai vu chacun de vous qui réservait cela. J'ai dit ok, c'est bon. Donc, ceux de ma personne ne savent pas ce qu'ils ont laissé passer. Mais ma femme ne connaît pas encore ceci. Parce qu'elle a décidé d'aller à l'état pour ça. Donc, elle a passé à l'église des. Ça, c'est pour les gens des doigts là, pas vrai? Non, dis juste que c'est Nazareth. Et ça, c'est le prof. C'est ce qui vient de se passer. C'est le premier niveau de ce que j'ai vu. Je vais vous expliquer, je vais parler en parabole ce que je veux.

monter la, faire la montée, c'est plutôt en haut comme le chien en bas. Et faire la montée maintenant pour accompagner les deux sœurs. Au retour, dans le songe, j'ai fait la prière parce que c'est dans un besoin. Le Seigneur exauce toujours. J'ai fait la prière. Le Seigneur est plutôt passé par un frère pour exaucer donc de ce que j'ai demandé. Okay. À la descente, donc, le frère qui se voit, donc, à la descente, le même habit comme ceci, oui. Je me disais, c'était pas lui. À la descente, il descend pour atteindre la maison. Je traverse. Il était assis comme une maison, cette maison avant d'avoir deux soeurs au milieu de la descente. Lui maintenant, le frère, il s'est entre Arnold ou Achille. Il avait ce nom-là. Bon, il avait porté une chemisette comme ceci. Il me dit, il devait donc arriver. Il devait donc arriver. Vous voir s'il ne m'a pas vu. Il m'a interpellé à la descente. Que ouais, vous dites, tu vas où? J'ai un paquet pour toi. Le Seigneur m'a demandé de te remettre. C'est pas question une somme d'argent. Donc je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on va donc à la maison. Il m'a dit, allons donc à la maison pour que je te remette ça. Arrivé dans la maison, il appelle donc son épouse, mais sans lui et la famille. Donc quand au fait qu'on entre à la maison, c'est toi alors qui revient pour lui rendre visite aussi. Tu arrives donc, on s'assoit. Donc c'était plutôt, c'est plutôt le nage qui était vraiment important dans le songe. On arrive donc à la maison. Son beau-père, son papa était aveugle et ils avaient des problèmes de communication, des problèmes de communication entre eux à la maison, donc ils ne s'entendaient pas. Apparemment, on le lésait beaucoup, on le lésait trop, donc on ne s'occupait pas de lui, on le manquait, c'était aveugle, comme il était un problème gênant à la famille. Il dit donc au fils que de tout mon vivant, tu n'as pas occupé ma concession, tu vas partir d'ici. Le fils dit, toi, tu es, il parlait donc ainsi de Baranté, comme ton année, comme ça. Il dit, tu vas partir, le fils dit que toi, tu n'es rien. Donc, il disait le fils. Et tellement aveugle, quand tu arrives, il y avait deux écrans. Donc, le vieux, on est sorti de la maison. Il n'est même pas qu'on sache que son papa est aveugle, son papa est dedans. On le cachait. Donc, il y avait donc deux écrans de téléviseur. Donc, le papa a suivi une émission, il sortait donc pour s'asseoir. Il ne voyait pas non plus, mais il visait qu'elle entendait juste le. La communication, là ça lui plaisait, il se mettait à l'aise. Dès donc arrivé, ils sont assis ensemble. Tu dis au frère, pourquoi toi tu méprises ton père? C'est donc le moment, toi qui es appelé à délivrer, pourquoi tu ne peux pas donc délivrer ton père de cette infirmité qu'il a? Lui maintenant, il dit, il va s'asseoir avec son père. Toi maintenant tu as un appareil comme un télécommande qui un télécommande universel. Les appareils, les téléviseurs étaient là, ça faisait plus de volume. Tu as donc arrêté avec ta télécommande universelle. Parce qu'il demandait qu'on on était, les enfants sont moqués de moi. Tu as plutôt demandé, tu as plutôt la télécommande, tu m'as fait signer, c'est tranquille. Tu as donc arrêté cette télécommande, tu as manipulé, tu as donc arrêté avec la télécommande universelle que tu avais. Tu as donc, tu t'es donc levé, tu es donc allé vers le papa. Il dit qu'aujourd'hui c'est le moment. Tends donc les deux mains. Il a le papa a donc tendu les deux mains. Tu as donc prié pour ce papa, pour ce père. Et de délivrer de son infirmité qu'il avait. Oui. Et dit au frère que ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Pourquoi toi tu dénies ton père? Pourquoi tu manques de respect? Subitement, mon réveil a sonné 5 heures, je suis sorti dans le sommeil. Tu as dit, oh. Il finit de dénier s'il n'y a pas moyen. Tu as dit, donc il y a une autre chose. À l'instant, donc c'est ça au petit matin. Oui. Et voilà, aujourd'hui, il y a délivrance. Tu as dit, mais. Certains. Mais comment dans ces sons-là, tu ne vois pas que toi-même tu délivres? Tu vois comment dans ce sons-là, tu esquives? Je vais pas faire des choses, je vais pas des choses. Et bon, et ce qui est déjà commencé, c'est que moi, je demande de partir pour le frère de venir me remettre. J'ai prié à la maison parce que si tu es dans le besoin, je vais dans un frigo ou un congélateur. J'ai demandé au Seigneur de pouvoir que je puisse l'acheter. Dans mon son, le frère ma course, la somme d'un peut me donner. Il dit, mais mon frère, il dit, si les gens 100 000 ou 200 000, ça va te plaire. Le Seigneur a permis que les gens cela. Il dit, mon frère, gloire à Dieu. Là, il m'a pas donné l'argent à l'attente. Ça sent le son, nous, c'est un physique. Le son. Donc j'espère que quand tu babatis lui là, ouais, ça va venir physiquement, tu vas venir ici. Ici. Parce que tu me connais. Là, c'était pas son physique. bébé qui va nous aider. C'est que le bébé, tout ce qu'on a. C'est aussi le bébé au gradé de la main qui venait, qui est venu se plaindre. Son frère qui l'a amené. Que ça fait longtemps, j'ai fait des frais d'émission, j'ai fait une mission, aucun frère, le général est venu avec moi. J'ai dit que photocopie tous les dossiers de toutes les missions qui viennent. Les dossiers sont encore à la maison. Quand elle est venue, on a prié. Il dit, monte. Il te voit dans un nouveau bureau. Il dit, quand ça va arriver, non, tu traverses encore, tu me fais. Il est parti. 16 septembre, je traverse. Après, il dit, enfin, j'avais des telles personnes que quelque chose va arriver. Il a appelé, c'est comment? Il n'y a pas de bonnes nouvelles d'ailleurs. Il dit, ah, parce que j'ai oublié. Mm-hmm. On a remboursé tout son argent jusqu'au dernier. Là, il ne peut pas parler. Non, non, non, vas-y, c'est là. Et c'est ça pour moi, frère. J'ai des blocages. On a gardé, on a gelé mon argent. On prie. Il faut dire qu'on arrête quand ça, on a payé. C'est pas pour dire que venez donner pour nous. Non. Il ne faut pas qu'il continue à prier que c'est bon, on a donné quel argent encore. Quel argent. Lâche-le. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Non, mais attends, tu faisais quoi, non? Transpirer pour rien. Bon, peux-tu transpirer? J'ai commandé dans le cœur. Ok, j'ai commandé dans le cœur. Quel est il est? 20h26. 20h, il n'est que 20h26. J'aime ça, il n'est que. Assieds-toi, mon cher. Observe-le. Pas chez toi, ça me laisse pas. Je serais pas fait grâce à la visite. Mais il n'a pas encore bien visité. Il n'a pas encore bien visité. C'est pas ce qu'on a vu, mais ça a disparu. Tu vois, tu dois savoir vu. On a les mêmes yeux. Elle n'est pas de l'être le seul à avoir vu cela. Mais mon cher, comme vous avez parlé des habits qui s'est ressemblent, c'est ça qu'on vous dit les choses. Chacun cherche de où ça sort. Vous savez comment ils sont habillés, non? C'est vrai que tous les calabas qui sont des regardés, ils ne savent pas, ils ne se souviennent pas. Mais là, j'ai ton caleçon en fer ici, regardez. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus nous a dit que dans Jean 14, verset 13, c'est en son nom, non? En son nom. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth.

cette voie-là est destinée à qui de droit? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on a la fin, la patiente, on va manger le béni, on va se séparer. Et j'ai pris donc le Seigneur qui s'est manifesté. Si vous dites, jusqu'à ce qu'on se rencontre encore, je dis, qu'il vous préserve de toutes les chutes, tous les pièges de l'ennemi. Si vous avez vous passé quelque part et que l'ennemi a parlé d'un pouvoir, que Dieu passe devant de vous et vous laisse. Faites-lui confiance dans toute votre marche. Faites-lui confiance quand vous sortez, quand vous rentrez. Quand vous rentrez, remerciez-lui. Quand vous réveillez, remerciez-lui parce que ce n'est pas par votre force que vous sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, j'ai tenté de parler de ton cas, de parler de ces choses-ci, ces choses qu'on absorbe le sang et puis on fait quelque chose avec, d'accord? Donc, dans le passé, si on est regardé, ta part est prise et aller quelque part. Donc, faites attention. Vous, les femmes qui exposez vos cités, pourquoi on voit que vous avez des strings là? Je ne vais pas t'en danser, tu vas te parler. Ceux qui ont suivi la délivrance ici, là, quand vous allez rentrer à la maison, vous aurez des conséquences sur votre corps physique. Vous aurez les conséquences sur votre corps physique. Donc, vous pourrez sentir des fatigues comme si on devait taper avec le bâton. Vous savez, quand vous faites longtemps sans faire le sport, vous allez ressentir ces styles de choses. Ne vous invitez pas, ça va passer. Prenez seulement un bon don en disant merci au Seigneur, en chantant les cantiques. D'accord? Mais bout de bout, j'ai encore ton caleçon. Donc, il faut que ces choses soient détendues. Je voulais avancer, mais toi, pour faire n'importe comment, il faut que tu parles toujours de quoi il est question ici, avant qu'on avance. Sinon, tu vas voir la vieille mère ce soir, c'est bien, bien, ça va m'aller. Ce que ça lui dit, c'est que, même si tu veux veiller ce soir, c'est comme ça. À l'instant, ton nez va se préparer, mais une seconde, elle va se présenter. Moi aussi, je vais tout faire avec mon don, tu vas voir. Oui, Doudou! Non, ici, hein. Même si bon, on n'a pas du tout, il protège mon endroit. Lève-toi, madame. Aide-la, c'est bon. Voilà, il y a un état là. Viens parler ici. Fais la soirée. Tu parles pour mon cher. Raconte-moi ce qui s'est passé. Quel songe que j'ai eu? Oui. Ça concernait ce soir. Ah, vous trouvez le songe concernant ce soir-ci? Dans le songe, je passais. Oui. Je suis arrivé dans une église. Oui. C'était une église. Oui. Je comprends, il y a le morceau de petit pays qui dit pédé qui chantait à l'église. Je reste dire, comment. À l'église, on chante le morceau de petit pays comme ça. Sûrement quand je suis comme ça, rentré derrière l'église pour guetter, pour voir ceux qui sont à l'intérieur. Je comprends au moment de tout marcher derrière moi. Je me tourne et vois que c'est une femme. Donc elle a la tête noire. Oui. Quand elle me tourne maintenant, elle venait tout droit sur moi comme ça là. Elle me tourne comme ça là. Dès qu'elle arrive comme ça, elle dit au nom de Jésus-Christ, elle tombe, elle s'en va, je prie au nom de Jésus. Elle me dit que. Tu veux quoi? Il dit que la seule chose que je veux que l'église de mon père soit propre. Ah! Nous sommes pour Christ Victoire. Elle dit ça, je pourrais, monsieur. Donc, tu savais pas qu'on a l'église, c'est sur toi. Donc, là, tu vois que l'église de ton père est propre, n'est-ce pas? Amen. Et mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Oui, mon frère. Oui. Je suis en train de. Je prends quelque chose à parce que. On va rester ici. On va continuer. Je disais donc que ma fille, oui. C'est la troisième. Oui. Quand elle est née, elle avait toujours tendance à manger la terre. Oui. Comme le serpent en fait. Oui. Et également dans la nuit, elle, ça dit qu'elle est toujours en train de combattre, dans lequel elle est toujours en train de crier et tout. Et en plus, elle est mon épouse aussi.